C'est un Paris couleur Paname, un Paris de l'avenue du Maine, où les voyous débordent Marne, roulent en voiture américaine. Il y a des hommes qui portent la cerise, il y a des hommes qui correctionnent, et les bénéfices se divisent, et les réclusions s'additionnent. En plein désert ou à Passy, des mots d'auteur, des mots qui fâchent, comme deux intellectuels assis, iront moins loin qu'un con qui marche. Le cinéma d'Audiard, un dialogue au comptoir, de l'amitié qui passe, comme les trains banlieusards, de la gare Montparnasse. C'est un Français sur son vélo, un petit homme sous sa casquette, le Tourmalet, le vieux Bordeaux, et pour écrire une cigarette, un drapeau noir sur nos faillites, et des répliques pour déglinguer tous ceux qu'il a mis sur orbite et qui n'ont pas fini de tourner. Le cinéma d'Audiard, un dialogue au comptoir, de l'amitié qui passe, comme les trains banlieusards, de la gare Montparnasse. C'est un ciné qui faisait du monde, le cinéma du samedi soir, des mots d'auteur, des mots qui grondent, des mots qu'on aimait aller voir, le cinéma d'Audiard.